Une chanson en do avec un capot d'un. Capot d'astre en 3. Alors moi ici c'est le couteau, le tiers ou le tiers noir. Le tiers. Faut acheter un tiers, le tiers. Capot d'astre en 3, do la mineur. Tournez comme ça, Batocha. Salut Marty. Marty? Non, pas Marty. Martin. Ok. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta. Ok. Allez, j'y vais. Allez, bois du jean dans sa chrysler. Les lacets, le boulevard de la mer est grand. Elle est partie, attention, tu lui tournes en rond. Hier soir encore, son héroïne, le cirque. Thank you. l'éveil dans l'air idéal. Le paradis plein, une chambre d'hôpital. L'infirmière étonnant et ses yeux sont que j'aime bien. Je ne sais pas où sont les paroles. Je vais essayer. Est-ce que vous reconnaissez l'air? Jean-Jacques Goldman. Oh merde, j'ai pas, je les ai pas celle-là. Ah ben je les ai pas sur le cahier, c'est pas grave. Comme toi, comme toi. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours à côté de sa mère. Ces publicités, c'est chiant ces pubs. Votre contenu dans... Non, je le veux maintenant, putain. T'as pour trouver des paroles, tu tombes tout le temps sur une publicité, c'est chiant. Voilà, j'ai... 3 maintenant. Ah voilà, ça y est, maintenant il veut bien me les donner. Allez, c'est parti, tac. Putain, il colorie tout. Je sais pas, Martin. I don't know. Putain, mais c'est écrit en gros là. Elle avait les yeux clairs. Elle avait les yeux clairs. Je sais pas, je crois. On va peut-être changer le bébé. Ok. Bon, je voudrais un super solo de percussion. Non. La percu est impeccable. Non, c'est du 32. 32. Ah, merci Philippe pour tes conseils. Mais Firefox aussi. C'est 32, hein? Enfin, si je me trompe pas. Allez, un petit Goldman quand même. Ah, faut que j'aille manger. Bon, mais il n'y aura pas de Jean-Jacques Goldman. Parce que Jean-Jacques Goldman, il va aller manger. C'est vrai qu'il a travaillé dur, il mérite. Attends, je vais pas me plaindre, j'ai juste à poser mon cul. Et... Non, je reviens tout à l'heure, promis. J'ai laissé la guitare. J'ai laissé la guitare au fun charge. Attends, il y a un petit plat chaud qui m'attend là. D'autres filles, hein. Sharon, on la voit plus, Sharon.